Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dira votre Dieu. Parlez à Jérusalem selon son cœur, et lui criez que son temps marqué est accompli, que son iniquité est tenue pour acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie au désert est, préparez le chemin de l'Éternel, dressez parmi les lands des sentiers à notre Dieu. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et tout coteau seront abaissés, et les lieux tortueux seront redressés, et les lieux raboteux seront aplanis. Alors la gloire de l'Éternel se manifestera, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La voix dit, crie. Et on a répondu, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur d'un champ. L'herbe est séchée, et la fleur est tombée, parce que le vent de l'Éternel a soufflé dessus, vraiment le peuple est comme l'herbe. L'herbe est séchée, et la fleur est tombée, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Sion, qui annonce de bonnes nouvelles, monte sur une haute montagne, Jérusalem, qui annonce de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force, élève-la, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur, l'Éternel, viendra contre le fort, et son bras dominera sur lui, voici son salaire est avec lui, et son loyer marche devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger, il assemblera les agneaux entre ses bras, il les placera en son sein, il conduira celle qui allait. Qui est celui qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main, et qui a compassé les cieux avec la paume? Qui a rassemblé toute la poussière de la terre dans un boisseau, et qui a pesé au crochet les montagnes, et les coteaux à la balance? Qui a dirigé l'esprit de l'Éternel, ou qui étant son conseiller, lui a montré quelque chose? Avec qui a-t-il pris conseil, et qui l'a instruit, et lui a enseigné le sentier de jugement? Qui lui a enseigné la science, et lui a montré le chemin de la prudence? Voilà, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau, et elles sont réputées comme la menue poussière d'une balance, voilà, il a jeté ça et là les îles comme de la poudre. Et le Liban ne suffirait pas pour faire le feu, et les bêtes qui y sont ne seraient pas suffisantes pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, et il ne les tient pour moins que rien, et qu'une chose de néant. À qui donc ferez-vous ressembler le Dieu fort, et quelle ressemblance lui approprierez-vous? L'ouvrier fond l'image, et l'orfèvre étend de l'or par-dessus, et lui font des chaînettes d'argent. Celui qui est si pauvre qu'il n'a pas de quoi offrir, choisit un bois qui ne pourrisse point, et cherche un ouvrier expert, pour faire une image taillée qui ne bouge point. N'aurez-vous jamais de connaissance? N'écouterez-vous jamais? Ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? Ne l'avez-vous pas entendu dès les fondements de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre, et à qui ses habitants sont comme des sauterelles, c'est lui qui étend les cieux comme un voile, il les a même étendus comme une tente pour y habiter. C'est lui qui réduit les princes à rien, et qui fait être les gouverneurs de la terre comme une chose de néant. Même ils ne seront point plantés, même ils ne seront point semés, même leur tronc ne jettera point de racines en terre, même il soufflera sur eux, et ils sécheront, et le tourbillon les emportera comme de la paille. À qui donc me ferez-vous ressembler, et à qui serais-je égalé, dit le Saint. Élevez vos yeux en haut, et regardez, qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée par ordre, et qui les appelle toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque, à cause de la grandeur de ses forces, et parce qu'il excelle en puissance. Pourquoi donc dirais-tu, ô Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi, ô Israël, mon état est caché à l'Éternel, et mon droit est inconnu à mon Dieu? Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, a créé les bornes de la terre, il ne se lasse point, et ne se travaille point, et il n'y a pas moyen de sonder son intelligence? C'est lui qui donne de la force à celui qui est là, et qui multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. Les jeunes gens se lassent et se travaillent, même les jeunes gens d'élite tombent sans force. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, prennent de nouvelles forces, les ailes leur reviennent comme aux aigles, ils courront, et ne se fatigueront point, ils marcheront, et ne se lasseront point.